L'effrayante aventure, troisième partie, chapitre 3, sous Paris. Pour tout homme de sens rassis, se défendant contre les suggestions d'une imagination fantaisiste, il n'est pas douteux que si un kiosque à journaux, trois hommes sont entraînés dans la débâcle de centaines de mètres cubes de matériaux divers, les probabilités militant en faveur de leur écrasement se peuvent chiffrer par sur 1999 à une chance pour leur salut. Cependant, étudiez les faits divers que nous apportent les journaux et vous serez surpris de voir le rôle qu'en les cas les plus effrayants joue cette force que nous nommons, sans la comprendre, le hasard. Sans qu'il y ait miracle, sans qu'aucune des lois connues et vérifiées soit violée, ce couvreur tombe du sixième étage, rebondit sur un balcon et vient s'étaler sur une voiture d'ordures ménagères qui lui fait un lit moelleux et sauveur. Sur deux automobilistes emportés par la même voiture, mis en péril par la même rupture de frein, culbutant sur le même obstacle, sous la même voiture qui capote, l'un d'eux est tué raide, l'autre en est quitte pour quelques douleurs internes et provisoires dont le seul intérêt sera de servir de justification pour réclamer une indemnité au célèbre qui de droit, anonyme auteur de tous nos maux. Sous les rafales de la tempête, sur 10 navires, 9 parviennent à fuir devant le vent et atteignent l'accalmie. Le 10e, le plus solide, le plus neuf, le mieux commandé, disparaît, happé par la mer et des passagers, un seul survit. Un boiteux qui n'avait jamais navigué et bien entendu ignorait les plus élémentaires principes de la natation. Il y a sur mon trottoir une pelure d'orange. Depuis le matin, 100 personnes ont déambulé au pas, au trot, au galop, sans même y prendre garde. Je sors, je vois la pelure et d'un coup de pied, l'envoie dans le ruisseau. Je tombe et me casse la jambe. La vie et la mort sont à la merci de milliers de circonstances. Les unes visibles et dont nous croyons pouvoir nous écarter, et les autres invisibles et sournoises qui règlent notre compte sans que nous ayons supposé qu'il y avait un calcul à faire. Il n'est rien de moins vraisemblable que le vrai, rien de plus vrai que l'invraisemblable. C'est pourquoi, si étrange, si stupéfiant que paraisse la suite de ce récit, l'incrédulité du lecteur ne serait qu'une preuve d'inexpérience. Le mot « impossible », a dit Arago, n'existe pas, sinon dans les mathématiques pures, et encore. C'est pourquoi ce serait faire preuve d'une fâcheuse étroitesse d'esprit que de s'étonner quand nous retrouvons à une profondeur que nous n'avons pas encore eu le temps d'évaluer numériquement. Sir Hassel Random, assis, le front dans la main, et réfléchissant profondément. Assis ? Oh, sur quoi ? Très simplement sur le plancher de son kiosque, de sa guérite, de quelque nom qu'on veuille la nommer. Brisé, ou tout du moins étourdi, point, très calme, très valide et en possession de toutes ses facultés. Seulement un peu étonné, premièrement de se trouver à l'intérieur de son appareil d'aviation, deuxièmement de n'entendre aucun bruit et de se sentir en pleine et lourde solitude, troisièmement, d'avoir la sensation d'une descente plutôt que d'une chute sans heurts violents. Naturellement, l'obscurité était profonde et ce n'était qu'à tâtons que Sir Hassel avait reconnu le plancher et les parois. Encore n'avait-il hasardé ses gestes qu'avec une infinie précaution. Il savait trop par expérience quel péril pouvait présenter une brusquerie de gestes dans un local muni de tous côtés d'une machinerie aussi délicate que dangereuse. Donc, il avait pris le parti le plus sage, qui était de se tenir aussi immobile que possible et de réfléchir aussi nettement et aussi froidement que les circonstances le permettaient. Sir Hassel, on l'avait deviné du reste, était un esprit précis, méthodique, serrant les questions. Le fait de se trouver à de nombreux mètres sous terre, enfermé dans une caisse d'explosifs, n'était pas à premier examen de ceux que l'on choisirait bénévolement pour occuper ses loisirs. Mais d'autre part, C'était satisfaction réelle que de sentir son cœur battre, que de faire jouer ses muscles, que de constater l'activité de son cerveau. En un mot, de se retrouver, après pareille alerte, parfaitement vivant. Sera seul monologa à la muette, bien entendu. « Je me rappelle fort bien, se disait-il, que je touchais au succès. J'allais en quelques minutes, et par la seule force du vrillium, convenablement adapté, soulever lentement le vrillogyre. Mon but était, aussitôt que j'aurais dégagé la porte, de m'introduire à l'intérieur, avec les précautions convenables, d'atteindre l'isolateur central, et ainsi de neutraliser l'effet du vrillium, redevenu provisoirement inerte. Et alors on aurait achevé le sauvetage de l'appareil par les moyens ordinaires. Quelques cordes solides et de vigoureux bras auraient achevé l'œuvre. Que s'est-il alors passé? Je me souviens que j'avais déjà déchargé certaines parties des condensateurs. Encore quelques instants et je touchais au but. Seulement j'eus besoin, ma mémoire est très fidèle, d'une des tiges que j'avais préparées et qui par sa forme recourbée me permettait de la faire pénétrer à l'intérieur. J'atteignais ainsi le ressort supérieur de la porte, dont une partie se repliait et livrait passage à ma main qui achevait l'œuvre. J'eus le tort, je le reconnais maintenant, de faire appel à autrui, à monsieur la bergère, si je ne me trompe, pour obtenir l'outil désiré. Ce fut alors qu'un coup lourd se précipita sur moi, détermina le choc de ma baguette à vrillium contre une partie de la paroi. Il se donna à lui-même quelques explications, dont le résultat fut qu'il ignorait comment la porte avait pu s'ouvrir et se refermer sur lui, en même temps que les charges de vrillium contenues dans des baguettes et soudain libérées déterminaient un éboulement et la chute de l'appareil. Mais la science constate nombre de faits dont les modalités lui échappent. Le phénomène actuel les augmentait d'une unité, c'était tout. Ce qui était évident, c'est que par les chocs subis, tel déclenchement s'était produit dans les ressorts moteurs qui avaient opéré la neutralisation du vrillium, car au moment actuel, il semblait en vérité que l'appareil fût alors ainsi dire mort, ne produisant plus ni force, ni chaleur, ni lumière. Question à étudier de plus près, si jamais on avait encore le loisir de l'étude. « Tout ceci, pensa Sir Russell, ne me renseigne que très médiocrement sur les moyens qui me restent de sortir de la position plus que précaire dans laquelle je me trouve. » Et tout à coup, il eut un frisson. Une pensée, un instant écartée, lui sautait au cerveau. Il n'était pas la seule victime de cette catastrophe. Il avait deux compagnons, la bergère, Bobby, le reporter génial, le détective si fortement britannique. Les deux malheureux avaient-ils péri, soit qu'ils eussent été foudroyés par les décharges vrilliennes qui avaient déterminé et accompagné l'effondrement, soit, ce qui était plus horrible encore, qu'ils eussent été écrasés par les décombres. Sir Russell avait le cœur essentiellement bon. Toutes ses recherches scientifiques n'avaient d'autre objet que d'augmenter, si possible, la somme de bien-être dont disposait l'humanité. Qu'importait sa vie à lui? Dès longtemps, il en avait fait le sacrifice, mais avait-il le droit de disposer de celle d'autrui? Or, ici, sa responsabilité était entière et indéniable. Pourquoi, connaissant les périls de l'opération, sachant que lui seul pouvait les conjurer, comment, pourquoi avait-il été assez faible pour autoriser ces deux hommes à l'accompagner? Encore pour le cas de Coxworth, pouvait-il alléguer pour sa défense personnelle que c'était par la propre imprudence du boxeur que l'accident s'était produit? Sir Russell en avait été témoin sans y participer en quoi que ce fût. Mais là, il ne pouvait pas adresser le moindre reproche à ces deux hommes qui ne l'avaient suivi que par intérêt pour lui. Il aurait dû, c'était son devoir d'honnête homme, les repousser, rejeter impitoyablement leurs requêtes. Et Sir Attal se demandait en rougissant s'il n'avait pas obéi à un ridicule instinct de vanité en les acceptant pour proches témoins de ce qu'il croyait être une victoire. Il se dit qu'après tout, il avait expié ce crime, car quel espoir de sortir du gouffre où il était enlisé. Eh bien, qu'il mourût, ce n'était après tout que le châtiment qui lui était dû. Sous le poids de ses pensées douloureuses, Sir Russell se sentait faiblir. Toute son énergie l'abandonnait. Était-ce manque d'air ou simplement l'effet de la tension morale? Ses nerfs se brisaient, son cerveau s'embrumait, un voile s'étendait sur ses yeux. Il éprouvait la sensation épouvantable de l'illumination prématurée et ses deux mains, en un geste désespéré, se crispèrent contre sa poitrine, secouée par un spasme convulsif. Ce geste inconscient le sauva. Sous ses doigts, il sentit des objets durs qu'il connaissait bien. C'étaient de petites boîtes plates, pareilles à des bonbonnières, dans lesquelles il avait enfermé des parcelles de vryllium. Le vryllium. Quoi ? Il était en possession de ce produit étonnant, de ce moteur universel, de cette panacée à laquelle rien ne résistait, et il se laissait aller au découragement ? À quoi donc eût servi de s'être rendu maître d'un des plus puissants secrets de la nature si cette découverte ne lui eût pas apporté le salut dans les circonstances les plus désespérées ? Après tout, puisqu'il n'était pas mort, pourquoi ses deux compagnons eussent-ils nécessairement succombé ? Rien que pour avoir touché une des boîtes qui renfermait le vryllium, déjà Sir Russell se sentait réconforté. Non, non, il ne s'abandonnerait pas. Il lutterait. Il vaincrait. Et il lui sembla voir, dans une vague pénombre, le doux visage de Mary Redmore qui l'encourageait. « Je suis dans le vryliogyre, se dit-il. Mais où se trouve l'appareil ? C'est là ce qu'il faut savoir. Et pour cela, il faut de la lumière. Le vryllium va m'en procurer. » Il y avait encore un danger. C'était de hasarder un faux mouvement qui agit sur quelqu'un des ressorts de la machinerie et déchaîna encore quelques décharges. Car Sir Russell, qui, avant le 1er avril, ne songeait pas encore à utiliser son avion, s'en servait volontairement pour emmagasiner les parties du vryllium qu'il obtenait dans son laboratoire. Avec d'infinies précautions, il tira de la poche de son gilet le menu porte-crayon qui lui avait servi naguère à dissocier l'encrier de marbre. Il le palpa, fit jouer délicatement une virole destinée à modifier les effets à obtenir, puis poussa un ressort. Il y eut un léger déclic et une languette de feu jaillit, assez semblable à la flamme de l'acétylène. Une clarté éblouissante envahit la cabine disposée comme celle d'un poste téléphonique, et sur toutes les parois étaient installées des petites caisses munies de poignées ou de boutons, le tout formant, pourrait-on dire, une sorte de clavier dont les touches agissaient sur les diverses parties du mécanisme. Un faisceau de fils reliait ce système à une sphère de très petite dimension, fixée sur une tige métallique qui traversait la cabine de haut en bas et qui, nous le savons déjà, commandait les deux hélices aux deux extrémités verticales de l'appareil. Au premier coup d'œil, Sir Russell comprit ce qui s'était passé. Dans le choc brutal qu'avait produit sa chute, un des ressorts de l'intérieur s'était déclenché et le moteur se mettant en marche avec une rapidité énorme, avait fait agir l'arbre des hélices. À son extrémité supérieure, l'hélice qui avait été brisée n'existait plus, mais à la partie inférieure, elle subsistait dans son entier et tournant avec une vélocité vertigineuse, elle s'était enfoncée dans le sol friable, faisant en quelque sorte office de tire-bouchon, ou mieux, de vis d'Archimède. Et elle avait creusé un puits dans lequel l'appareil tout entier était descendu, comme dans une gaine où il s'était effrayé sa voix, ralentie cependant par le frottement. Ce qui expliquait comment la descente, au lieu de présenter le caractère d'une chute dans laquelle tout se fut fracassé, avait pris celui d'un glissement. Mais pourquoi l'arrêt ? Ayant allumé une lampe attachée à la paroi, Russell, libre de ses mouvements et complètement maître de lui-même, chercha. La charge de vryllium qui actionnait le moteur et les diverses parties du mécanisme étaient presque épuisées et pourtant suffisantes encore pour produire de très réels effets. Il était évident qu'un obstacle puissant s'était opposé à la continuation du mouvement et bientôt Russell en reconnut la cause. Après avoir perforé les diverses couches de terre, de sable, de pierre, des agrégés qui ne lui avaient opposé qu'une résistance relative, l'hélice inférieure s'était trouvée subitement arrêtée. L'énorme forêt dont elle était garnie à son centre s'était engagée dans une matière dont la dureté était telle qu'il n'avait pu la percer. Son mouvement de rotation s'était arrêté et l'appareil se trouvait, par le fait même, immobilisé par l'obstacle. Cependant, Hassel savait qu'à la force du vrillium, pas une substance connue ne pouvait résister. Cet arrêt devait donc provenir d'une cause spéciale qu'il ne tarda pas à découvrir. Par un accident dû à la rupture d'un des ressorts métalliques, la communication se trouvait interrompue entre l'arbre de couche et le moteur, ce qui était facile à réparer. En somme, et grâce à un hasard incroyable, mais qui prouvait l'excellente qualité des matériaux employés à la construction de l'armature, le vrilliogyre était pour ainsi dire intact et Hassel ne doutait pas qu'il pût facilement le remettre en activité. Mais ici se posait la question la plus grave. Y avait-il lieu de provoquer un nouveau déplacement? Dans quel sens devait-il être dirigé? En un mot, où se trouvait-on? À quelle profondeur? Le savant anglais avait la sensation très nette qu'il avait perdu connaissance. Pendant combien de temps? Était-il à 10, 20, 30, 100 mètres au-dessous du sol? La descente s'était-elle opérée en ligne droite ou inclinée? Toutes interrogations qui restaient nécessairement sans réponse. Hassel regarda sa montre. Elle marquait 1 heure. C'est-à-dire que depuis le moment où il avait commencé l'opération, 10 heures du matin, 3 heures s'étaient écoulées. Et encore, où était la preuve que ce fut 3 heures plutôt que 15 heures? Cela pouvait se vérifier mécaniquement. Il fit jouer soigneusement le remontoir. Le nombre de tours lui démontra que c'était bien 1 heure de l'après-midi. Mais pendant combien de temps était-il resté inerte et inconscient? Les termes du problème ne se simplifiaient pas. Enfin, de quoi était enveloppé le vrilliogyre? Dans quelle sorte de matière se trouvait-il encastré, enchâssé? Comment le savoir? Pour se donner de la force, Hassel ouvrit une petite boîte qui contenait des pilules Berthelot. On sait que notre grand chimiste avait émis cette hypothèse qu'un jour viendrait où la nourriture de l'homme par les substances organiques serait remplacée par les éléments chimiques qui les composaient. Si bien que l'alimentation serait assurée par des condensés de l'essence même des choses, des éléments, azote, carbone, phosphore, dont sont formées les viandes, les légumes, le lait, etc., tablettes ou pilules qui, sous un très petit volume, serviraient à la réparation des forces. Sœur Hassel avait étudié cette question depuis longtemps. Elle avait en partie résolu. Dans une boîte d'un décimètre carré, Hassel était en possession de provisions suffisantes pour assurer son alimentation pendant des mois entiers. Craignant donc une nouvelle défaillance physique, il prit 2 pilules riches en azote et y ajouta même, avant d'éclaircir son cerveau, une tasse de café en pilule. Il se sentit rasséréné, alerte, et éprouva cette sensation qu'il était vraiment trop vivant pour mourir. Il savait enfin qu'en dernier ressort, il lui restait une suprême ressource, l'injection sous-cutanée de vrillium qui, tant que les organes étaient intacts, rendait à l'être toute sa vitalité. La confiance en soi est la première condition du succès. Dans le très petit espace où Hassel pouvait se mouvoir, il examina un à un tous les divers mécanismes de sa machine, interrompit les contacts qui pouvaient encore développer l'action du vrillium. Il ne laissa rien au hasard, et comme un général qui a inspecté toutes les parties de son champ de bataille, il se décida à agir. Ce fut alors que, levant les yeux pour la première fois jusqu'au plafond du kiosque, il s'aperçut que la partie supérieure était soulevée. N'avait-il pas été pratiqué, en effet, une sorte d'arrachement du casque prussien qui le couronnait? Dans la chute, ce couvercle, il n'est pas de terme plus clair, avait basculé et par l'orifice ainsi pratiqué, il était possible de jeter un regard au dehors. Il se hissa sur un escabeau et grâce à sa haute taille, il atteignit le sommet et passa sa tête par l'orifice. L'obscurité était noire, mais une tiédeur lui monta au visage. On eût dit qu'un certain espace s'étendait alentour. Il prit le fameux porte-crayon, bon à tout faire, et ayant passé le bras, fit jaillir la lueur claire et blanche. Il eut une exclamation de surprise. Le vrilliogyre n'était pas engainé, comme il l'avait cru d'abord. Au-dessus de lui, l'espace était libre, et aussi devant l'une des parois, celle justement où se trouvait la porte, qu'il n'avait pas jugé prudent d'ouvrir jusqu'ici, dans la crainte d'un éboulement à l'intérieur. Il lui parut que ce qui l'entourait fut de pierres dures, et de roc même. Alors, il n'hésita plus. Il fit jouer les ressorts de la porte et se pencha sur le seuil, avançant dans les ténèbres la torche minuscule qui répandit des flots de lumière. Hassel avait devant lui une caverne, une grotte très spacieuse, dont l'ossature était faite de pierres énormes, tassées, encastrées les unes dans les autres, donnant la sensation d'une solidité inébranlable. Il ne voyait pas distinctement le sol. Regardant prudemment à ses pieds, avant de franchir le seuil, il s'aperçut qu'entre le vrilliogyre et le terrain de la caverne s'étendait un espace vide, large de plus d'un mètre. Il pencha le jet de lumière et il lui sembla qu'il y avait là un abîme très profond dans lequel ses regards ne distinguaient rien. Au-delà de cet intervalle était le sol de la caverne qui lui parut fait d'une voûte peu épaisse, comme d'une croûte de ciment qui aurait recouvert un espace creux au-dessous. Cependant, cette sorte de carapace était d'apparence solide. Décidé à tout, Hassel prit son élan, franchit l'espace vide et se trouva debout, sain et sauf, sous la haute voûte de la caverne. L'air y était épais, lourd, presque suffocant, avec un relent de moisissure qui écœurait. Mais on n'en était pas à s'émouvoir de ces détails. Hassel éprouvait comme une sensation de libération. N'avait-il pas ressenti cette crainte, inavouée à lui-même, qu'il resterait séquestré, inhumé dans le vrilliogyre, transformé en cercueil? La mort lente, horrible, dans l'immobilité et l'asphyxie. Jamais touriste en face de l'espace, du ciel, des bouquets d'arbres, des vastes paysages, n'éprouva joie plus intense que celle de notre bon savant, enveloppé de tous côtés d'une calotte de pierre, avec sous les pieds un abîme sans fond. Preuve nouvelle de la relativité des jouissances humaines. Et Sir Hassel, emporté par son enthousiasme, s'écria « Vive la vie! Vive la science! » « Qu'est-ce qui piaille là-haut ? » répondit une voix qui semblait sortir des profondeurs de la terre.